Le fait qu'il ait un amour démesuré de l'argent. Un amour démesuré de l'argent accompagné de sa recherche persistante, et ceci de différentes manières licites. Ici, on parle lorsque l'être humain recherche ardemment et de manière persistante à acquérir des biens dans cette vie d'ici-bas, mais de manière licite. Est-ce que celui-ci est blâmé? Il recherche de manière licite. On peut se dire qu'il n'est pas blâmable pour cela. Mais nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde dans ce hadith et nous dit que ceci peut l'emmener à la perdition. C'est-à-dire que cette recherche ardente des biens est une chose pernicieuse pour lui et pour sa religion en particulier. Il dit ici, dans le sens de ses paroles, donc, son exagération dans sa recherche de l'argent et ses efforts pour l'obtenir malgré la peine et la difficulté. Réfléchissez. Regardez autour de vous. Combien de personnes passent des heures et des heures au travail, enchaînent et cumulent deux, voire trois travails. Ceci afin d'acquérir des biens dans cette vie d'ici-bas. Et bien souvent, certains de nos frères sont leurrés par le fait qu'ils recherchent cette chose-là pour arriver à un bien qu'ils recherchent dans leur religion. Comme beaucoup de frères qui se disent, je travaille, je me sacrifie pendant quelques années pour pouvoir faire la hijra, pouvoir partir de ce pays. Et on a déjà évoqué le jugement de la hijra, alhamdoulillah, à différentes occasions, pardon, de même que la semaine passée. Le fait que ceci est obligatoire pour celui qui ne peut pas afficher et pratiquer sa religion librement dans une terre de non-croyance vers une terre d'islam. Et certains de nos frères ont donc cette bonne intention et ils se disent qu'ils vont se sacrifier pendant tant et tant d'années en recherchant ardemment l'argent, alors que comme je l'ai évoqué précédemment à plusieurs reprises, el-hijra, c'est une adoration, c'est une manière que tu as de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que tu penses que cette manière, que cette adoration, pardon, tu pourras la pratiquer seulement avec de l'argent? Non, il te faut entretenir ta foi pour pouvoir pratiquer cette grande adoration. Et lorsque tu passes des années, comme certains se disent 2, 3 ans, etc., Allahu Akbar, combien tu peux te perdre, toi ainsi que ta famille, pendant ces années où tu te tues à la tâche dans le travail, ceci pour arriver à certains biens que tu penses que par ces biens-là, tu vas pratiquer cette grande adoration. Mais tu délaisses la base, l'iman, la foi. Entretenir cette foi qui te permettra, qui sera quelque chose qui te poussera, qui sera la chose qui te poussera à pratiquer cette grande adoration comme n'importe lequel des adorations de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala.